Previously in Danger and Cuts. Heads up, Hawaiian Electric, gonna be... Holo holo ka'a traffic. Con nosotros. Happy Chinese New Year. Roger. What do you mean? Advise your board, over. Repeat, advise you cancel phase 2. What the hell's phase 2? That's a big no can do. Just be cool. See ya, hope. We are in pursuit. He is gaining. Over. The air cycle packs are not maintaining. Les mutants venant directement de la 8e dimension. Je ne suis pas un numéro. My God, it's full of stars. Watashi no koe ga kikoemasu ka? Minasan, yo koso. Ore ga stereo desu. Tu sais. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Radio Pulsar. Bonsoir, vous écoutez Radio Pulsar sur 95.9 MHz à Poitiers et du côté d'Alpha du Centaure dans un peu plus de 4 ans. Salut les centauriennes. Hajimemashite. Vous pouvez aussi nous écouter en streaming partout sur la troisième planète du système Sol en vous rendant à l'adresse radio-pulsar.org. Je suis Julie Moé. Le fantôme ginoïde dans la machine. La voix de l'émission. Bienvenue humaine du clair-obscur. Bienvenue dans ce moment où les peurs enfouies dans les légendes de l'inconscient collectif de l'espèce sont en train de prendre forme. Le vieux monde n'en finit plus de ne pas finir et le nouveau n'en finit plus de ne pas advenir. Et dans ce moment charnière entre chien et loup, les pires parmi les pires du type Homo sapiens deviennent des monstres qui empêchent de dormir. Voici advenir à nouveau. L'ère des psychopathes, des adeptes des couilles sur la table, des attrapeurs de chats, des brutes de cours de récré de catégorie cosmique, mâles blancs riches de plus de 50 ans, hétéronormés, réactionnaires, phobiques de l'altérité, éco-génocidaires éjaculant sur les cadavres en putréfaction des charniers de leur solution finale, sadiques, sans entrave, puissants mais impuissants, simplistes, primaires, prenant leur entrejambe pour des armes pour soumettre et détruire, pendant que tous les fans fanatiques du vieux cloué sur la croix espèrent le deuxième impact et la revenue de leur surhomme. L'aube et les premiers rayons du soleil invaincu déchirent fièrement le voile de la nuit noire. Et soudain les monstres vêtus de peau humaine apparaissent pour ce qu'ils sont. Des poulets sans tête qui se dirigent comme tout le monde vers leur tombe. C'est comme ça que nous nous rappellerons d'eux, comme des peureux niant l'évidence. Nous n'aurons pas honte collectivement pour leurs actions. Eux, et seulement eux, sont responsables pour ce qu'ils font. Nous sommes les faiseuses de musique et nous sommes les rêveuses de la rêve. Nous sommes l'humanité. Danger and Cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world.

can outrun bullets. Shit.

Danger and Cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Soudain, le mot fin apparaît sur l'écran et la lumière s'allume. Le temps suspendu sur les dernières notes. Vos cerveaux en surchauffe commencent leur lente décharge calorifique en direction des étoiles. Laissez faire et buvez chaud. On se retrouve dans 2 semaines pour de nouvelles aventures pleines de l'énergie de la musique d'Ojin glitchée par Nitrom the Metronome. Pour nous retrouver, c'est facile. Le temps, c'est 20h. Les coordonnées hertziennes sont 95.9 et l'adresse web est radio-pulsar.org. Bisous à tous. Danger and Cuts. Out. Bye.